Ça va, ah, mon Guillermo. Mais bien, ah, grave. Mais oui. Bon, je parle pas, tu m'as humilié. ça change pas. On est toujours interrompu, hein. Ça, on ne change pas. Ah bah oui, on garde notre patte, notre tradition. En partie, je suis quand même content de vous retrouver en partie. Non, en fait, le truc c'est que moi faire des chroniques. Moi faire des chroniques, alors, ça me rend Guillermo, on va faire un truc. Il faut pas que tu te testes chaque fois que nous on parle, sinon ça va, ouais. On va pas y arriver, je te jure. Vas-y, trace. D'accord. Ne t'arrête pas. Donc je disais que faire des chroniques, moi ça me rend anxieux à la base en fait. Et donc moi je trouve que ce qui me manque vraiment dans ma vie maintenant, c'était un peu d'anxiété. Et chaque jour je me dis qu'est-ce que je suis serein, comment est-ce que je pourrais faire pour être un petit peu plus anxieux. Et bim, chronique. J'ai bien dormi, je me suis couché à 23h30, levé à minuit et demi, nickel. Ceci dit, gros point positif du confinement pour mes chroniques, je dois plus me taper Paris. Ça c'est le jackpot. Si ça se passe bien ce matin, vous me revoyez plus jamais à Radio France, hein, je vous le dis, hein. Je fais tout à distance. Parce que moi j'ai écouté l'émission hier par téléphone. En fait ça marche bien comme ça, c'est même mieux que d'habitude limite. Les questions de Nagui à l'invité sont plus courtes. Alors vous avez une actu Bruno Solo? Non. Ah bon, du coup on va écouter un disque. Voilà, c'est réglé. Donc, moi, normalement, le mercredi, le matin, je purge. Hein. Je me lève à 5h30, je fais Bruxelles-Paris en Thalys. Je prends la ligne 4, puis le RER C. Après des heures de trajet, j'arrive enfin en studio. Et là, l'invité, c'est Christian Clavier. Et il te regarde comme une merde pendant 3 minutes. Ça, c'est parce du qu'il vécu, aime ça. Que Tanguy, parce qu'il aime que Tanguy Bastiro, qu'il a croisé au mariage de Nicolas Sarkozy. Dans le public, il y a des gens qui commandent des Uber Eats. Marina Rollman, elle se coupe les ongles d'un pied. Leïla, il y a un poème, là, en étrusque. De temps en temps, Nagui force un rire, parce qu'il est bienveillant, hein, comme maintenant, voilà. Daniel Morin, il force rien du tout, parce que la dernière fois qu'il était bienveillant, c'était sous Pompidou, hein, et on les reprend pas plus. Saloperie. Daniel, c'est quoi? Non, Daniel à 20h sous Pompidou, tu étais vraiment en dessous. Daniel à 20h quand les gens ils applaudissent, mais ils sont tellement bons. Mais vos gueules, j'entends plus, je m'entends pas cuisiner. Sinon que dire, oui. 21e jour tout seul, chouette. Ah, c'est ma période. Ah, je kiffe. Quand on sera libéré, moi je vais dire, moi je veux un mois de plus. Le truc c'est que non seulement je suis anxieux, je suis hypochondriaque, je suis parano, j'ai pas de terrasse, j'ai pas de jardin, mais en plus j'ai pas d'internet illimité, putain. On est en 2020, il y a un type en Occident qui a pas internet illimité, c'est moi. Non seulement il y a une pandémie, en plus je dois regarder des DVD. Sérieux, là ça fait 6 fois que je m'a dit Usual Suspect, Kaiser Soze, je commence à voir qui c'est là, tu vois. Je suis angoissé en permanence. J'ai tellement maigri. Sérieux, là, j'ai récupéré mon poids de quand j'avais 11 ans. C'est vrai. T'es tout maigre. J'arrive à rentrer dans mon costume d'enfant clown. Sérieux. Les gens, ils croient que j'ai maigri parce que je fais du sport. En fait, c'est parce que j'ose pas aller faire les courses. J'ai plus d'aliments chez moi. La seule fois où je suis allé, c'est parce que je me suis entendu dire à ma nièce, non, mais toi, ça te stresse pas plus que ça, hein, de faire des courses. Putain, j'étais prêt à sacrifier un membre de ma propre famille pour avoir des frosties. Donc j'ai collecté ce qui me restait de dignité, je suis allé faire les courses, j'avais l'impression de faire un braquage, même adrénaline. Comme j'ai pas de gants, j'ai mis des chaussettes sur mes mains. J'ai fait des courses avec des chaussettes sur les mains. Eh bien, il s'avère que t'attrapes moins bien les aliments, hein. Quelque part, existe de moi une vidéo qui met 40 secondes à attraper une boîte de ratatouille, sérieux. Les seuls aliments qu'on peut attraper avec tes chaussettes, c'est des champignons. Enfin, bref. Excuse-moi. Non, c'est un sale temps pour les angoisser. Ouais. Du coup, mes prochaines chroniques, elle est où la cymbale? Ce sera que ça. Où est la cymbale? Elle est là. Merci. Voilà. Donc mes prochaines chroniques, ce sera que des conseils pour gérer les crises d'angoisse, ok? Pour tous les anxieux. Par exemple, ok? Ouais. Ok. Exemple, quand tu sens que l'angoisse monte et que c'est incontrôlable, tu tapes sur YouTube méditation zen relaxante, ok? Après 5 minutes, tu verras, ça marche pas du tout. Ça va te stresser encore plus. Là, tu lances un gros pavé dans ton ordinateur et ça fait beaucoup de bien. Franchement, c'est nickel. Sinon, les leçons, elles commencent dès vendredi et je vous apprendrai comment vous toucher un maximum pour vous calmer. Merci aux potes pour les courses et force à celles et ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Bonne émission, les amis. Oh, pardon. Oh, ouais, excuse-moi. Bravo. Merci bien.